Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Vous avez peut-être vu à la télé l'annonce d'une consultation publique qui fait actuellement le tour du Québec. Il s'agit de la consultation « Mourir dans la dignité ». Cela réfère à l'euthanasie, au suicide assisté. Ces dernières années, quelques cas ont été médiatisés. Il y a eu aussi des lettres d'opinion, des sondages. C'est une question difficile, parfois taboue, qui soulève des enjeux éthiques. Et il est donc naturel que la Commission de l'éthique, de la science et de la technologie participe à la réflexion. Et il est tout aussi naturel, donc, pour en parler, que de recevoir Edith Delery, présidente de cette commission de l'éthique de la science et de la technologie. Bonjour, Madame Delery. Bonjour. Alors, j'aimerais dans un premier temps, pour que nos auditeurs fassent connaissance avec la commission de l'éthique de la science et de la technologie, pouvez-vous nous présenter cette commission? Bien sûr. La commission a été créée en 2001. Dans la suite de l'adoption par le gouvernement du Québec de sa politique sur la recherche et l'innovation, savoir changer le monde, ce document précisait effectivement qu'il était important de se doter d'un organisme qui puisse réfléchir sur le développement scientifique et technologique, accompagner ce développement. Donc, la commission existe depuis bientôt 10 ans. Oui. En septembre 2001, très exactement, remonte sa création. Son mandat, c'est d'informer, de sensibiliser, de susciter aussi des débats publics sur, effectivement, les enjeux que soulève le développement de la science et de la technologie, et aussi de proposer des orientations aux acteurs concernés, qui peuvent être multiples, mais au premier chef, bien sûr, aux instances gouvernementales. Pouvez-vous juste donner deux, trois exemples de sujets, de technologies sur lesquelles vous avez déjà travaillé, émis des avis ou participé à réflexion? Des sujets extrêmement variés, comme vous allez pouvoir le constater. Ça va des OGM, des organismes génétiquement modifiés, aux nanotechnologies, en passant par le don et la transplantation d'organes, les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle, l'usage élargi des psychotropes. Oui, donc effectivement, c'est des sujets qui vont assez en éventail, mais ça donne une idée peut-être des réflexions que vous faites, que vous menez au sein de la commission. Alors, pour venir plus au sujet qui nous occupe ce soir, donc à la question de mourir dans la dignité, peut-être ce serait bien de nous expliquer comment la commission de l'éthique en est venue à participer à cette réflexion. En fait, la participation de la commission se situe un petit peu en amont. On a eu une demande à l'effet de bien vouloir collaborer, d'apporter notre collaboration à la commission dans la préparation du document de réflexion qui servirait de base à ces auditions. Donc, c'est dans cette perspective-là que se situe l'apport de la commission. Il est évident que la commission n'allait pas émettre elle-même un avis puisqu'il y avait une commission... Oui, c'est ça qu'il faut distinguer, qui effectivement avait été mandaté pour ce faire. Et pour nous, effectivement, ça se situe tout à fait dans la continuité de ce qu'on demande souvent, c'est-à-dire d'organiser des débats publics sur des enjeux, des choix qui sont des choix de société. Oui, parce qu'il y a une confusion un petit peu qui est pas très évidente, c'est qu'il y a une commission qui est chargée d'étudier cette question-là et il y a la commission de l'éthique. C'est ça. Donc. Cette commission est une commission ad hoc, qui a reçu un mandat spécifique de la part du gouvernement, alors que la commission est une commission permanente. D'accord. Et donc, vous avez déjà, ça fait quand même déjà quelques temps que vous travaillez sur le sujet, vous avez déjà écrit deux textes. Oui, effectivement. Un premier qui est un document qui vise à mettre un peu en lumière la confusion qui règne un petit peu sur des notions comme l'arrêt de traitement, la distinction entre l'euthanasie, sur aussi les différents sens qui sont prêtés aux mêmes concepts, aux mêmes valeurs, comme par exemple la notion de dignité qui est interprétée différemment sur les valeurs. C'est vrai, c'est quoi la dignité? Effectivement, parce que la notion de dignité peut nous renvoyer à la notion que nous avons de notre propre dignité, c'est-à-dire aussi à notre capacité, notre liberté à prendre des décisions de façon autonome, à les prendre aussi en fonction de ce qu'on considère du point de vue de notre éthique personnelle comme étant effectivement la bonne solution, alors que la notion de dignité peut être aussi plus large, c'est-à-dire qu'on a d'une part, la dignité subjective dont je viens de vous parler, et la dignité objective qui nous renvoie ici à la dignité qui est inhérente à l'être humain comme tel. Donc là, on a en fait une opposition entre des valeurs qui renvoient davantage aux libertés individuelles et des valeurs sociétales. Donc, oui, effectivement, ça, il faut définir ce que sont ces différents termes, ces distinctions. Puis même, vous parliez de arrêt de traitement. Est-ce que l'arrêt de traitement, c'est le suicide assisté? Je ne pense pas que ce soit encore ça. Donc, c'est beaucoup de termes. Finalement, dans ce document, vous en venez à jeter des bases communes pour que tout le monde réfléchisse de la même façon. Effectivement, essayer au moins de faire en sorte que les personnes qui réfléchissent utilisent des termes qui soient communs. On voit un petit peu les nuances parce qu'il est évident qu'il y a entre ces différents concepts et même valeurs là, des articulations, bien sûr. Mais je pense qu'il faut effectivement savoir de quoi on parle. Ouais. Donc c'est un texte qu'on peut, pour nous-mêmes, pour chacun de nous, si on veut mieux comprendre le problème, c'est un texte qu'on peut aller lire pour pouvoir participer de notre côté, dans notre tête aussi, à cette réflexion-là. Tout à fait. Dans ce même document, la Commission, en fait, énonce un certain nombre d'enjeux soulevés par, effectivement, ces questionnements. Et dans le deuxième document, elle les approfondit à travers un certain nombre de questions, qui sont au nombre de 7. Qu'est-ce que la fin de vie? À partir de quand? À partir de quand et aussi est-ce que c'est lié à la maladie en phase terminale, est-ce que c'est lié à un âge, si oui quel âge, donc il y a toute une série de questionnements qui entourent cette question là je pourrais pas tous les énoncer, mais je pense que ce serait important aussi de voir que derrière cette question là il y a aussi celle de quelle dignité parle-t-on. Ça fait référence à ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Quel est notre rapport à la mort? Oui. Notre rapport à la mort et à la vie, bien évidemment. Oui. Quelle valeur serait à prioriser afin d'assurer une mère digne? Bon. Et puis, est-ce qu'il y a des limites qui seraient éthiquement justifiables à l'autonomie morale, donc à l'autodétermination? Et comment répondre collectivement aux besoins des personnes en fin de vie? Et enfin, à quelle fin et à quelles conditions l'euthanasie ou l'aide au suicide serait-elle éthiquement justifiée ou injustifiée? Donc, on essaie effectivement de mettre en exergue quelles sont les valeurs qui sont en cause, parce que bien sûr, il y a des tensions entre ces valeurs-là, de manière à faciliter un petit peu la réflexion éthique. D'accord. Et aussi, je parlais de sondages qu'il y avait eu aussi, on en avait entendu parler un petit peu, certains sondages allaient voir du côté des médecins ce qu'ils pensaient de l'euthanasie, du suicide assisté. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une demande pour la légalisation de l'euthanasie et de l'aide au suicide assisté à partir de ces sondages-là? Écoutez, on en a parlé beaucoup de ces sondages-là. Est-ce que vous pouvez les rappeler peut-être? Il y a eu en fait la fédération des omnipraticiens, il y a eu celle des médecins spécialistes. Bon, il y a eu aussi des sondages plus médiatiques, je dirais, CROP, on avait fait aussi. Il y a Régus aussi qui en avait fait un. Il y a eu aussi la position qui a été prise par le collège des médecins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les sondages, je pense qu'il faut être un petit peu méfiant à leur égard. Il n'y a pas seulement la question du pourcentage de réponses qui peut être en cause dans certains cas, en particulier. Il y a la façon dont les questions sont formulées. Si on ne met pas d'exemple précis, il peut y avoir effectivement une confusion au niveau des termes. Et donc, je pense que ces sondages-là ont leurs limites. Il y a, comme je le soulignais encore, des confusions non seulement dans les termes, des concepts d'euthanasie, d'arrêt de traitement, de suicide assisté, mais aussi au niveau des valeurs qui sont en cause. D'accord. Parce que ces sondages-là, tels qu'on les recevait dans les médias, comme ça, on avait l'impression qu'il y avait une position assez en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. De suicide assisté. Mais là, ce que vous dites, c'est attention, comment ont été posées la question, quel a été l'échantillonnage, finalement. Ils sont à prendre avec des pincettes. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un document qui pourrait être intéressant à consulter. C'est un mémoire qui a été déposé devant la commission par qui est un mémoire fait par un chercheur, un mémoire de maîtrise, et qui montre bien, effectivement, que derrière l'emploi de ces termes-là, il y a vraiment une confusion. Pour certains, le retraitement, c'est de l'euthanasie. Et on voit aussi, justement, qu'on interprète les choses différemment. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a, finalement, derrière cette demande en faveur de l'euthanasie? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pense qu'il y a cette idée d'autodétermination, c'est-à-dire de pouvoir garder le contrôle en tant qu'individu et la liberté de décider par soi-même selon ses propres valeurs. Il y a la question aussi de la souffrance, de la peur, de la peur de souffrir. Et derrière tout ça aussi, il y a tout un questionnement autour justement de ce qu'on peut offrir aux personnes qui sont en fin de vie, et tout le problème de la défaillance d'un système qui n'est pas capable d'offrir en fait aux personnes qui sont en phase terminale des soins qui leur permettraient de partir sereinement. Souvent, d'abord, premièrement, on sait que l'offre de soins palliatifs comme telle est extrêmement limitée, mais elle intervient aussi peut-être un peu trop tard dans le processus. Donc, il faudrait pouvoir accompagner les personnes plus tôt dans le processus, je pense. Donc, ça aussi, ça fait partie, je dirais, des éléments qui sous-tendent la question que vous venez de me poser. Et puis, il y a aussi la crainte de l'acharnement thérapeutique. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments. Bon, il y en a peut-être d'autres, là. Je pense que ce sont les principaux. Donc, au-delà de l'euthanasie et de l'aide au suicide, souvent, vous parlez des conditions générales de fin de vie, puis ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très facile à déterminer. À quel point c'est important? Mais écoutez, je pense que d'abord, on a peut-être tendance à faire une équation entre fin de vie, maladie en phase terminale, ou maladies neurodégénératives, où les personnes, effectivement, perdent leur autonomie fonctionnelle et, partant, considèrent que leur autonomie en sens d'autodétermination, elle ne peut s'exprimer que dans la mort. Mais je pense que la question de fin de vie, elle intéresse tout le monde. D'abord parce que, premièrement, elle intervient à tous les âges, mais elle nous concerne tous. Parce que la mort fait partie de la vie. Alors, je pense qu'il est important de considérer que la question est beaucoup plus large que ce à quoi on tend peut-être à la réduire, et que s'il faut s'arrêter effectivement à ces demandes, parce qu'il faut pas, en fait, je dirais, il faut être sensible au cas des personnes qui en font la revendication, il demeure qu'il faut réfléchir aussi pour la majorité, et il faut aussi pouvoir donner un sens. Si on va quelque part dans ce cheminement-là, il faut que ça ait une signification d'un point de vue collectif. Donc, il faut effectivement réfléchir beaucoup plus largement, je pense. En ce moment, on est dans une situation, dans une société où la population est quand même vieillissante. Donc, un nombre de personnes qui vont arriver en fin de vie qui va prendre de plus en plus de proportions. J'imagine que ça a un impact sur la réflexion. Je pense que ça a très certainement un impact sur la réflexion. Les baby-boomers forment effectivement un groupe démographique important. Et que donc les besoins, bien sûr, en termes de soins de santé vont augmenter avec l'âge. Que les pressions vont être plus importantes donc sur le système. Et que certains craignent que le réseau ne soit pas capable effectivement de les aider. Et que même l'euthanasie devienne finalement l'option qui sera offerte aux personnes. Par facilité, par contrainte peut-être budgétaire. Donc il y a tous ces éléments-là. Il y a aussi et je pense que ce problème-là, en fait, il se pose avec les baby-boomers, mais il va se poser aussi pour les générations futures. Parce que, le paradoxe aussi de tout ce questionnement-là vient du fait que, d'une part, la médecine a fait des progrès énormes qui fait que la population aujourd'hui est plus vieillissante, mais aussi qu'elle est atteinte de maladies liées effectivement à l'âge. Et que la médecine atteint des limites. Donc, il y a comme un paradoxe derrière tout ça. Et donc, ça va toucher, je pense, c'est sûr qu'avec l'arrivée des baby-boomers, la question devient importante, là, parce que les pressions vont être plus fortes maintenant. Mais c'est quelque chose qui va se répercuter pour les générations futures. Et pour en venir aussi au poids que peuvent exercer les baby-boomers par rapport à ces questions, c'est que c'est une génération qui est plus éduquée, mieux informée, qu'on est dans une société où les libertés individuelles dans une société pluraliste sont valorisées. Il y a toutes ces pressions-là aussi qui sont derrière cette génération. Par rapport aussi aux soins palliatifs, des fois, je me pose des fois une question, est-ce qu'on ne les donne pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais il y a aussi, parce qu'on a décidé de ne pas mettre suffisamment de ressources de ce côté-là, mais aussi parfois parce qu'on ne les connaît pas encore, ces soins, les meilleurs soins palliatifs à développer, parce qu'on n'a pas encore toute la connaissance. Comment on fait ça ne doit pas être évident de trancher. Je pense qu'il y a les deux volets. Il y a le fait que, on a effectivement, au niveau des soins palliatifs, une offre qui est limitée, parce que, les gens, pour en avoir rencontré plusieurs, là, ce sont des gens qui s'investissent effectivement beaucoup. Le problème, comme je vous l'ai souligné, c'est que, d'une part, ils interviennent souvent trop tard dans le processus, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à la limite, là. D'autre part, que, comme vous le soulignez, la formation, elle est encore, je dirais, vraiment minimale. C'est-à-dire que les gens qui sont formés sont vraiment peu nombreux et qu'on a besoin, effectivement, d'offrir une formation dans ce sens-là aux médecins et leur apprendre aussi à, même s'ils contrôlent la douleur, c'est quelque chose qui existe parce que ça fait partie de l'arsenal, je dirais. Je pense qu'il y a besoin encore de beaucoup plus d'informations. D'accord. Parce que certains actes médicaux qui sont posés dans le cas des soins palliatifs sont parfois mal interprétés. Parce que là, ce côté des soins palliatifs, c'est comme le pendant, si je peux dire, du suicide assisté ou de l'euthanasie. Il y a l'euthanasie, le suicide assisté. Puis de l'autre côté, il y a les soins palliatifs pour éviter ces deux... Bien évidemment. Donc, d'ailleurs, les gens qui travaillent en soins palliatifs vous diront que souvent, derrière cette demande-là, il y a une demande d'accompagnement. Et puis qu'à partir du moment où, effectivement... Non, dans la phase des soins, la demande n'existe plus. C'est un long sujet, je pense. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire le tour, de réfléchir. D'abord, je pense qu'on peut inviter nos auditeurs à aller consulter ces documents qui sont accessibles sur le site de la commission d'éthique. Bien sûr, sur le site de la commission de l'éthique, de la science et de la technologie. C'est tout simple, www.éthique.gouv.qc.ca. Je pense que si on fait CEST sur un moteur de recherche, on va trouver assez rapidement. Et je pense qu'ils sont dans un onglet publication. Tout à fait. Est-ce que vous auriez quelques mots pour conclure sur ce vaste sujet? Écoutez, je pense que la question est délicate. C'est une question à laquelle, finalement, on est tous confrontés parce qu'elle nous renvoie à notre propre vision de la mort, je pense qu'on est tous... Elle nous renvoie aussi à une autre question, c'est la question de la raison de vivre, qui est là. C'est une question qui, nécessairement, est empreinte d'émotivité. Il faut essayer d'en débattre le plus sereinement possible, ce qui n'est pas toujours évident. Et je pense qu'il faut finalement vraiment s'interroger sur le sens profond de ces demandes-là. Alors, on va... ce sont des questions ouvertes. On est là justement pour essayer, en tant que commission d'éthique de la science et de la technologie, de questionner, d'essayer d'apporter un éclairage. Parce que l'éthique, c'est ça, c'est se questionner d'abord, et puis essayer de dire de quoi parle-t-on finalement. Oui, d'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Delery, de vous être déplacée à nos studios, puis d'avoir nous avoir initié à cette réflexion. Donc, on va pouvoir chacun continuer cette réflexion de notre façon en allant consulter ces deux documents sur le site de la commission l'éthique. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.